Le printemps est enfin arrivé et avec la fonte des neiges, il arrive parfois des infiltrations d'eau à la maison ou ailleurs. Pour tous travaux, faites confiance à ProNet, communément appelé GUS, de vrais spécialistes. Nettoyage, service 24 heures sur 24 et conduit de ventilation. Plusieurs équipes d'expérience à votre service. Pour nous rejoindre, contactez le 418-679-4178. Toute notre équipe souhaite un bon 150e aux résidents de Saint-Félicien et invite la population à participer en grand nombre aux différentes activités. L'Intermarché Florent Lachance de Saint-Prime a tout ce qu'il vous faut pour profiter de l'été au maximum. Un département des viandes de qualité supérieure, supervisé par des maîtres bouchers à l'écoute de vos moindres exigences. Des fruits et légumes gorgés de saveurs à des prix compétitifs et un comptoir de mets cuisinés qui charme les palais les plus fins. L'Intermarché Florent Lachance, agent autorisé SAQ, est fier de commanditer la chronique du club de golf Saint-Prime sur le lac Saint-Jean et souhaite une bonne saison à tous. Parler du club de golf de Saint-Prime avec notre ami Rémi Curtinus, c'est la chronique du club de golf. Salut Rémi! Bonjour Monsieur Rémi, qu'est-ce qui se passe de beau cette semaine? Ça a quand même été quand même pas pire la fin de semaine. C'était un long congé de 3 jours. Est-ce que ça a été positif dans l'achalandage? Ben, il a fait beau, donc oui, effectivement, ça a été positif. Puis en début de semaine, nous, on a eu le temps de travailler tous nos verres sans exception. Okay. Alors, le terrain, si on peut avoir un peu de pluie, là, puis il annonce, je pense, de la pluie demain, fait que ça devrait nous aider dans notre cas. Effectivement, nous autres, ça s'annonce là, pour être une bonne saison, en tout cas, pour l'achalandage et pour la qualité du terrain. Okay. Tout va selon nos plans. Du côté sportif, est-ce que c'est passé quelque chose de bien, un trou d'un coup, quelque chose de bien dans l'ensemble, non? Ben, pas à ma connaissance, sauf que on a commencé déjà, nous, à faire les mardis des dames. Ah, OK. Les vendredis, là, il y a tout le temps une mafia. On a déjà commencé ça, puis garde déjà à notre... c'est 2 vendredis qu'on fait ça, puis on a au-dessus de 40... On a 2 fois 44 joueurs, donc c'est très, très bon pour un début de saison, ça participe. Alors... C'est quoi le mardi des dames, en fait? Les gens ont compris... C'est une compétition amicale, là, puis c'est pour amener du monde au club. OK. Alors, c'est entre les dames de Saint-Prime, puis le vendredi, ben c'est mixte. C'est des petites mafias qu'on appelle, là. C'est des formules différentes. OK. Est-ce que tu as eu des nouvelles également? Parce que tu m'avais dit que du gouvernement maintenant concernant le dossier de l'environnement, est-ce que tu as eu un rapport là-dessus? Non, pas encore. C'est long, ça? La firme qui fait notre évaluation environnementale devrait déposer la semaine prochaine. Ah, OK. Donc, à la fin mai. Puis, une fois qu'on a le rapport, évidemment, en même temps, c'est déposé au ministère de Développement durable. C'est là qu'on va voir si il y a certains sites qui sont contaminés. S'ils sont contaminés, quelles mesures de compensation puis quelles mesures de restauration faut faire. Okay. Mais on s'attend à ce qu'il n'y ait pas de sites contaminés. Et c'est le rapport qui va être déposé. OK. Puis ça va être déposé quoi, d'ici une semaine ou deux, quoi? Parce que c'était à la fin avril, je me rappelle bien. Oui, c'est prévu d'être déposé à la fin mai là, au conseil d'administration, puis après ça, envoyé au ministère du Développement durable. OK. Dis-moi, je reviens sur les activités au club de golf. Il y a une question que j'échappais. Les fameux steak golf, c'était très, très payant, puis c'était très populaire, semble-t-il. Est-ce que ça revient cette année, ça? Oui, ça, c'est une fois par mois, un vendredi. OK. Il y a une compétition encore là, amicale, le vendredi après-midi, puis c'est suivi d'un steak golf. Puis c'est ouvert aux non-membres également. Fait qu'on a quelques organismes socio-communautaires alors, qui organisent en même temps que notre tournoi, ils organisent des activités sociales. Ils viennent jouer au golf, puis soupe avec nous autres là au steak golf. Fait que ça, c'est une activité qui est effectivement très, très, très populaire. Ah oui, parce que par les autres années, c'était très bon, là. Je me rappelle, avec Alain Marcoux, bien sûr. Donc, ça fait le tour pas mal pour cette semaine? Oui, c'est des... Ouais. Donc, ça fait le tour pas mal pour cette semaine? Cette semaine, Danny, puis on se reparle la semaine prochaine. Mardi prochain. Voilà, c'est l'entrevue avec Rémi.